m'a dit qu'à c'est chaud, ta vie est belle, mais pourquoi t'es si sombre? C'est qu'il y a de la haine et de la rage derrière un cœur si tendre. Ma vie c'est la paix, mais crois-moi, dans ma tête c'est la guerre. Dans mes ratures ce monde amer. Si je rappe avec mon cœur, c'est que parfois la plume n'a pas les mots pour. Et que l'impact est plus fort quand on prend pas des tours. Des fois de mon prix de cours, je cavale après encore. Mes torts sont nombreux, ça noircit mon parcours. Certains pensent toujours à quoi bon l'école et les cours. Je m'acharne à parler à des sourds. Pendant 5 ans j'ai prôné la prise en charge. On part tous de rien comme toi la vie je l'ai prise en marche. Tout le monde m'écoute mais personne me comprend. Des mots si durs pour un mec posé, c'est sûr que ça surprend. Le temps nous fusille, les rides se creusent et les larmes coulent encore. Je l'ai dit 20 fois mais on se nique tous en cœur. Le pire c'est qu'on va me check et dire que le son est bon. C'est qu'au fond personne n'a compris la leçon mais bon. Un son comme un note sombre qui passe inaperçu. Parce que quand j'irai bien, bah ce sera mal perçu. Écrire des textes sensés, composer des purs sons, ça n'empêchera pas le monde d'être immonde et les cons d'être cons. Ça te fera pas réagir, continue d'être idiot, continue de critiquer, de parler dans mon dos. On viendra me dire, Kaiser Ika déchire, à part sa voix et son flow, comprends-tu qu'il te fait réfléchir? On viendra me dire, les sons de ton ref sont forts, et nous on se casse le cul à écrire des paroles en sachant que tu feras pas d'efforts. Mal perçu, faut pas que ce soit qu'un plaisir auditif, faut que ça donne envie de changer, de baisser les effectifs, trop nombreux dans l'idiotie, si beaucoup nous apprécient. Que cela évolue et nous en remercie. C'est pas de la vanité, c'est juste l'écho de ceux qui ont compris, de ceux qui changent et qui ont pris le juste sens de nos lyrics. Si on rappe, c'est qu'on a des choses à dire. Donc retiens cette place, KSX. On comprend pas mes rimes si dark, ni mon art. Comme le fait que j'écris certains soirs si tard. Ça choque les gens mais c'est mon exutoire. Et même si je pleure dans mon son, je vais pas me pendre à chaque histoire. On m'a dit, j'aime bien ce que tu fais mais c'est trop triste. On crache sur mes pensées, mon passé et ses cicatrices. Mal perçu car mes thèmes dérangent. Parler de la vie avec mes mots, ça choque tous ceux qui se prennent pour des anges. On m'a reproché des rimes, on a bridé mon art. Je dis rien mais ça énerve mon côté démon noir. Qu'ils sont eux pour me dire que c'est sombre. Qu'est-ce qu'ils savent de mes songes et du but de mes messages. Le pire, c'est qu'on va me check et dire que le son est bon. C'est qu'au fond personne n'a compris la leçon mais bon. Un son comme un note sombre qui passe inaperçu. Parce que quand je dirai bien, bah ce sera mal perçu.